بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va pas faire long aujourd'hui, inshallah ta'ala. À la base, je voulais qu'on fasse deux hadiths. Mais le hadith al-Ashir, le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, c'est natruk lahu darsan kamilan, inshallah ta'ala. On va garder pour ce hadith-là un cours entier. Inch'Allah ta'ala, c'est mieux. Fayaqulu al-mu'allifu rahimahullah al-hadithu al-tasi' sidqu al-iman. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, le neuvième hadith, et ensuite il cite le nom, donc le titre qu'il donne au hadith, sidqu al-iman, la sincérité de la foi. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أو من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Selon Anas, qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père et son enfant et que toute personne, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث أيها الإخوة عظيم جدا. فإنه لا يؤمن أحد حق الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع الناس. Oh mes frères, ce hadith, il est très important. Car, en réalité, personne n'a la foi comme il se doit, la foi obligatoire, tant qu'il n'aura pas fait prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'amour de quiconque. Et donc ce chapitre, oh mes frères, ce passage, il est très très très très important. Et à méditer. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. Le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est lui la cause qui a fait que les gens ont été sauvés et sortis de l'obscurité vers la lumière. وهو السبب في كون الذين آمنوا به يَخْلُدُونَ فِي الْجَنَّةِ. Et c'est lui la cause qui fait que ceux qui ont cru en lui demeureront éternellement dans le paradis. وَبَذَلَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لِهِدَايَةِ النَّاسِ. Il a sacrifié sa propre personne, sacrifié ses biens pour la guider des hommes. إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فهمت أنه يجب عليك أن تقدم محبته ولا محبة غيره. Et donc, si tu comprends cela, tu comprends clairement qu'il t'est obligatoire de faire prévaloir son amour à l'amour de quiconque d'autre. لأنك لن تجد أحدا من الناس تسبب في هدايتك أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. Car tu ne trouveras personne qui soit une plus grande cause de ta guidée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui a été une cause de ta guidée, une cause que tu aies quitté les péchés pour revenir vers la sunna, une cause que tu aies quitté l'égarement pour revenir vers la sunna, que tu aies quitté la mécréance pour revenir vers la sunna, toute personne qui a été cette cause, en réalité, a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ceci remonte obligatoirement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa zakarat al-ulama umuran dakhilatan fi hadhihi al-mahabba. Et les savants, ils ont cité plusieurs choses qui rentrent dans cet amour, qui font partie de cet amour, le fait d'aimer plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres. Fa qala al-qadi Iyad, ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته. الله أكبر. القاضي عياض رحمه الله, il nous dit, fait partie de son amour, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de secourir sa sunnah et de défendre sa législation. Faya ayol ikhwa yajibu alayna an nansura sunnata nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, mes frères, il nous est obligatoire de secourir la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anta tuhibbu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, falayka an tansura sunnatahu. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois secourir sa sunna. Le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah daraba mathalan ala dhalik. Le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il a cité un exemple concernant cela. Il dit ana la a'taqidu anna ahadan minkum yuhibbu shakhsan thumma yuhibbu wa yatamanna an yafshala fi amrihi. Il dit, je pense pas qu'il y ait aucun d'entre vous qui aime quelqu'un puis qui espère que celui-ci échoue dans ce qu'il fait. Il dit, on ne trouve pas ça. Si tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il réussisse dans son projet, dans ses projets, etc. Et donc, فَهَكَذَا فِي دَعْوَةِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pareil dans la da'wa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas donc secourir sa sunna pour que sa da'wa se propage, parce que c'est lui que tu aimes le plus. C'est lui que tu aimes le plus. Et justement, par rapport à cela, il y a donc ce sujet qui fait beaucoup de bruit, le fait, les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne peut pas dire aux gens qu'on n'accepte pas les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites vos bagages et partez. Faites vos bagages et partez tout de suite. Ça sert à rien de rester ici pour ensuite dire aux gens, ouais, non, mais les caricatures, il n'y a pas de mal, etc. Quoi ? On a le droit de se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hada kufrun. Ça, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Les savants, ils ont été interrogés concernant ceux qui ont jugé licite le fait de caricaturer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou même de caricaturer le divin, comme il l'a dit. Ils ont dit, hadihi ridda. Hadihi ridda. Ça, c'est le fait d'apostasier. Et donc, ce n'est pas permis de se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il faut savoir donc que les musulmans font prévaloir l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'amour de leur propre personne. Or, il n'y a pas une personne qui accepterait qu'on se moque de ses parents. Il n'y a pas une personne qui accepterait qu'on se moque de ses parents. Pourquoi on va accepter qu'on se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'on l'aime plus que nos parents? Et cela ne veut pas dire qu'on tombe dans du terrorisme ou dans l'exagération. Mais nous allons blâmer cela, reprocher cela en utilisant les voies légiférées. وذكرت العلماء من علامات تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم طاعته على طاعة غيره. Et les savants, rahimahumullah, ils ont cité parmi les signes qui montrent que la personne fait prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que cette personne fasse prévaloir l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'obéissance des autres. فَأَنْتَ لَا تُطِيعُ شَخْصًا فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas obéir à quelqu'un dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est très important, les frères. Combien sont éprouvés dans leur propre famille? Min zaujatihi, par sa propre épouse. Il est éprouvé par sa propre épouse, tellement accroché à celle-ci qu'il va désobéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est important, mon cher frère, oui, tu dois aimer ton épouse. Oui, ton épouse doit t'aimer. Oui, tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer tes parents. Mais ne fais pas en sorte que ton amour pour ceux-ci soit plus fort et plus élevé que l'amour que tu as pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا بْتُلِيَ بِهِ كِثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Beaucoup de personnes sont éprouvées par cela. L'amour qu'ils ont pour leur épouse, etc. Ils vont donc confondre entre les deux. وَذَكَرَتِ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا من تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم قوله على قول غيره. Et les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont aussi cité parmi les éléments qui font partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire prévaloir son amour sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de faire prévaloir sa parole. Le fait de faire prévaloir sa parole. فَأَنْتَ لَا تُقَدِّمَ قَوْلَ شَيْخِكَ وَلَا أُسْتَاذِكَ وَلَا مُعَلِّمِكَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne fais pas prévaloir la parole de ton cheikh, la parole de ton enseignant, de ton oustad, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important, les frères. Combien sont tombés, combien ont été éprouvés par cela? Le fait de faire prévaloir la parole de leur cheikh, de leur enseignant. Wa kadhalika hubbu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam la yakunu بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. Le fait d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم ne se fait pas par le fait de fêter sa naissance. هذا من التشبه بالكفار. Ça fait partie de la ressemblance aux incroyants. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأطيعه. Tu aimes le prophète صلى الله عليه وسلم, alors obéis à ses ordres, à ses recommandations. وأنتم تعرفون الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. Et donc vous connaissez le hadith qu'a cité al-Bukhari رحمه الله dans son sahih, qui stipule que Omar رضي الله عنه, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, certes, je t'aime plus que toute chose en dehors de ma propre personne. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Omar, par celui dont mon âme est entre ses mains, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que ta propre personne. Faqala Omar radiallahu anhu, fa'innahu l'an wallahi ya Rasulallah, la anta ahabu ilayya min nafsi. Alors Omar radiallahu anhu, il a dit, certes, maintenant, ô messager d'Allah, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. قالت العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله لا شك أن عمر كان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه قبل ذلك. Les savants, ils ont dit, et parmi eux il y a ابن حجر رحمه الله, ils disent il n'y a nul doute quant au fait que عمر il aimait plus le prophète صلى الله عليه وسلم que sa propre personne avant cela, avant que le prophète il lui dise cela. لكن عمر رضي الله عنه ذكر المحبة بالطبع لأن الإنسان يحب نفسه بالطبع. Il dit cependant Omar ici au début il a cité sa propre personne, il a fait l'exception de sa propre personne parce que il a fait attention au début à l'amour naturel, l'amour que tu ressens naturellement. Pourquoi? Parce que la personne s'aime naturellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va me dire « je ne m'aime pas » ? Tu peux avoir les défauts que tu veux, on se connaît tous. Chacun connaît ses propres défauts. Mais tu t'aimes naturellement. Tu t'aimes naturellement. Cet amour que Allah tabaraka wa ta'ala a placé en toi. Et donc, Omar, il a fait attention à ce premier point au début. « Falamma dhukira tadhakkar » Lorsque le rappel lui a été fait, il s'est donc rappelé, il a fait attention à cela. Qalatil ulama fa ta'ammala fi kawni an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa as-sabab fi najatihi min an-nar. Alors les savants, ils ont dit à ce moment-là, Omar a médité sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui la cause qu'il soit sauvé de l'enfer. فقال فإنه الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. Alors à ce moment-là, il a dit, maintenant, certes par Allah, ô messager d'Allah, je t'aime plus que ma propre personne. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسنا ومحبة الناس جميعا. Et donc il nous est obligatoire, ô chers frères, de faire prévaloir notre amour, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'amour qu'on ressent pour nous-mêmes et l'amour qu'on peut ressentir pour toute autre personne. Ça, c'est un point essentiel dans notre religion. Et c'est ce point qui va t'aider à défendre sa sunna, qui va être la base lorsque tu vas défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu vas t'accrocher à sa sunna, lorsque les épreuves vont venir. Combien d'épreuves arrivent et les gens sont éprouvés par ces épreuves à cause de l'amour qu'ils ressentent pour un tel? Oui, mais. Ce fameux oui, mais qu'on entend à chaque fois. Oui, mais le cheikh. Oui, mais un tel. Et tu l'aimes tellement ce cheikh que tu n'arrives pas à admettre qu'il a contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي ذلك الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا. Il y a aussi le hadith très connu qui est lié à cela, le hadith dont vous connaissez tous. ثلاث من اجتمعنا فيه وجد حلاوة الإيمان. Il y a le hadith très connu. Il y a trois caractéristiques que lorsqu'elles sont réunies chez une personne, cette personne aura goûté au délice de la foi. Quelles sont ces trois caractéristiques? أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. Le fait que la personne aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Délice de la foi, oh les frères. Le fait que tu aimes Allah et son messager plus que toute autre chose. Tu les savants disent, tu sacrifies ta propre personne pour secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu sacrifies ta vie, tu donnes tes biens pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu aimes Allah et son messager plus que toute autre chose. Plus que ta vie. Plus que tes enfants. Le deuxième point, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah. تحبه لتمسكه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu l'aimes par le fait que celui-ci soit accroché fermement à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فإن تركها فلا كرامة. S'il délaisse donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on le délaisse. Natrukuhu. Alors on le délaisse. Et ça, c'est un point essentiel que nous devons comprendre, les frères. Que beaucoup, beaucoup n'arrivent pas à le faire. Le fait de faire prévaloir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un point essentiel, un point qu'on doit comprendre, qui est lié au cours d'aujourd'hui, l'amour, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire prévaloir son amour à l'amour de quiconque. Et le dernier point parmi ces caractéristiques qui est an yakraha an ya'uda ila al-kufr ba'da ma anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Le fait que l'individu déteste retourner vers la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, de la même façon qu'il détesterait être jeté dans le feu. Personne n'aime être jeté dans le feu. Et donc, tu dois détester, retourner vers la mécréance après que Allah t'en ait sauvé. Et donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Comme j'avais prévenu au début du cours, on ne va pas faire long. Pourquoi? Parce que le hadith de l'Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, on le garde pour un cours spécifique, inch'Allah ta'ala. On va faire un cours entier dessus, peut-être même deux. Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا